J'arrive à hauteur d'un sommet de côte. Je viens de croiser une voiture rouge. La route pourrait sembler libre devant pour effectuer le dépassement de cette voiture. Mais j'ai aperçu les feux d'une voiture qui se sont perdus dans le creux de cette route vallonnée. Elle va forcément réapparaître d'ici quelques secondes. Je dois attendre d'avoir une meilleure visibilité pour dépasser. Réponse B.